Radiomatique. amorcer la transmission 5-6-6 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter l'artiste américain Laron Thomas, de son album Confines, qu'il a enregistré en tant que Pan Amsterdam et qu'il a lancé le 23 mai 2025. Nous entendions la chanson Children of Bear Creek. Et maintenant, c'est au tour de l'artiste anglais John Hopkins d'assurer la continuité à Audiomatique. avions droit à Audiomatic, à l'artiste anglais John Hopkins. Nous vous présentions l'intégralité de son album Ritual, qui comprend 8 parties distinctes et qui est paru le 30 août 2024. Et en conclusion de cette transmission 5-6-6 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre le trio américain originaire de Chicago, Lifeguard. De son premier album Dive, sorti en 2020, nous entendrons la pièce No Cloud. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc Lifeguard avec la pièce No Cloud. C'était Audiomatic avec les sonoristes. How easy it could be to convict the guilty. is a massive gray cloud, but is a mere dent in the colossal storm cloud of the smoke in the city. It makes him feel comfortable, like a baby floating in utero. To swarm the town further with smoke, to submit to its blackened disarray. Deepening, the sound of the earth deafening.